Pris sur le vif. Écoutez. Maman, est-ce que je peux aller à la plage avec Pierre? Oui, mais allez d'abord chercher les valises au garage. D'accord, tout de suite. Répétez. Maman, est-ce que je peux aller à la plage avec Pierre? Oui, mais allez d'abord chercher les valises au garage. D'accord, tout de suite. Écoutez. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Pouvez-vous me rendre un service? Mais certainement, madame. Vous êtes très gentil. Voulez-vous téléphoner à un médecin? Mon mari n'est pas bien. Répétez. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Pouvez-vous me rendre un service? Mais certainement, madame. Vous êtes très gentil. Voulez-vous téléphoner à un médecin? Mon mari n'est pas bien. Écoutez. Marie, tu es triste. Qu'est-ce que tu as? Rien. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Non. Peux-tu venir dîner chez moi? Certainement pas. Pourquoi? Que dois-tu faire? Rien, mais je ne veux voir personne. Répétez. Marie, tu es triste. Qu'est-ce que tu as? Rien. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Non. Peux-tu venir dîner chez moi? Certainement pas. Pourquoi? Que dois-tu faire? Rien, mais je ne veux voir personne.